Évariste Ndikomanyanga. 14 juin 2021, bienvenue à ce journal, édition de la mi-journée, dont voici d'abord les principaux titres. Désormais, la quarantaine pour les personnes nées en provenance de l'étranger supprimée depuis ce lundi, annonce du Comité national de riposte contre la COVID-19. La cohabitation est au bon fixe entre les rapatriés et les résidents de la colline Burara de la zone Gattare en commune Boussoni de la province de Kirundo. Tout n'est pas rose, mais l'administrateur de Boussoni dit tenir des séances de réunion de sensibilisation pour promouvoir la bonne cohabitation. Et la chronique sportive de Solendi nous parle de comment une fédération sportive prend naissance. François Kimana assure la mise en onde. Vous ratez l'essentiel. Ouvrons ce journal par la page santé. La quarantaine est supprimée depuis ce lundi, le 14 juin 2021, pour les voyageurs en provenance de l'étranger. Une mesure prise par le Comité national de riposte contre la COVID-19. C'est lors d'une réunion d'évaluation sur l'état des lieux des activités de ce comité et la situation des cas de COVID-19. Le ministre ayant l'intérieur dans ses attributions, président de ce comité, a indiqué dans les préambules que 99 cas de COVID-19 sont en cours de traitement. Sont des gens de l'intérieur du pays et les 45 cas de la mairie de Bujumbura. Des dépistages continuent à l'aéroport Melchior Ndadaye pour les voyageurs. Ceux qui seront positifs continueront à prendre les soins au bon accueil en zone urbaine de Gidja. Page sécurité, un homme âgé de près de 70 ans habitant la colline Ruvumera en zone Kiramira de la commune Rugombo, a été tué à coups de machette la nuit dernière. François, chef collinaire, fait savoir que la femme du défunt a déjà été arrêtée pour enquête. Il précise en outre que des réunions de pacification sont organisées pour éviter toute justice populaire. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Certains commerçants du marché de Kanyosha, nouvellement réhabilités, disent n'avoir pas voulu rester dans ce marché suite au manque de place pour ceux qui étaient par terre, ceux qui étalent plutôt par terre les marchandises constituées de denrées alimentaires. Ils expliquent qu'ils ont préféré retourner au marché de Guissio parce qu'ils y trouvent beaucoup de clients. Ils demandent d'être facilités en leur trouvant de place pour qu'ils puissent continuer leurs activités commerciales. Gadi Minani, représentant des commerçants au marché de Kanyosha, rejette cette idée et leur demande tout coûte que coûte de regagner le marché de Kanyosha. On me signale que de l'autre côté de la vitrine, l'élément de Mayonga n'est pas encore disponible. On va y revenir dans quelques instants. Parlons à présent de l'actualité internationale. Actualité internationale. En actualité internationale, Félix Tshisekedi est à Goma depuis samedi. Ce dimanche 13 juin, il s'est exprimé pour la première fois sur les raisons de son déplacement dans cette ville qui a été touchée par la coulée de lave consécutive à l'éruption volcanique du 22 mai. Le chef de l'État congolais a fait des annonces qui concernent les besoins humanitaires, mais aussi la sécurité dans la région. Dans la région, pour une dizaine de jours, le président congolais s'est montré rassurant par rapport à l'aide à apporter aux sinistrés. Félix Tshisekedi a promis de tout mettre en œuvre pour accélérer la mise en place des logements temporaires pour plus de 15 000 personnes dont les maisons ont été détruites. Devant les journalistes, il a affirmé que dès ce lundi, il ira visiter les sites qui ont été identifiés à ce propos. Les élections législatives anticipées samedi ont été marquées par une très forte abstention. Enjeu principal, le taux de participation nationale n'a atteint que 30,2%. Pointe Jeune Afrique sont le score le plus faible depuis au moins 20 ans pour les législatives. Là, nous sommes en Algérie. À titre de comparaison, ils se situaient à 35,7% lors des dernières législatives de 2017 et 42,9% en 2012. La participation est même en recul par rapport à la présidentielle de 2019 qui avait vu Abdelmadjid Tebboune élu avec seulement 40% des voix, soit une abstention record pour une telle élection. Pour le quotidien gouvernemental El Mujahid, tout va bien. 30,2%, c'est le taux moyen de participation au scrutin des législatives anticipées. Ce rendez-vous conforte la confiance rétablie entre les citoyens et l'organisation des élections suivant des règles de transparence et d'intégrité. Une échéance qui donnera naissance à une Assemblée populaire nationale élue librement par le peuple algérien. Et le Parlement israélien a voté dimanche soir 13 juin la confiance du gouvernement du nouveau Premier ministre Naftali Bennett qui succède à Benjamin Netanyahu au pouvoir depuis 12 ans. 60 députés ont voté pour la nouvelle coalition, 59 contre un député de la liste. Ram s'est abstenu comme il avait mené de le faire, ce qui veut dire que le nouveau gouvernement va obtenir la majorité relative à non pas absolue, rapporte notre correspondant de RFI en direct de la Knesset à Jérusalem. Michel Paul, c'est un détail qui n'échappe pas à l'opposition. Un départ un peu bancal pour la nouvelle coalition. Une courte cause, on revient sur l'actualité nationale. Radio Isanganiro, chronique sport. On parle sport à présent. Pour être une fédération sportive, chaque fédération doit avoir au moins 3 associations sportives dans différentes provinces du pays. Laurent Deimana, directeur des sports au sein du ministère, ayant le sport dans ses attributions, fait savoir que ces associations sont régies par les lois régissant le sport, tout en précisant qu'elles doivent être composées par plus de 2 personnes qui ont une vision commune. Et les détails dans cette chronique sportive avec Marie-Claire Cazenet. Le fonctionnement des clubs sportifs doit être régi par les textes se trouvant dans le règlement d'ordre intérieur. Propos de Laurent Deimana, directeur des sports au sein du ministère, ayant le sport dans ses attributions. Je peux vous dire sans me tromper que vous pourrez être appelé un club différent d'une équipe. Le club, c'est plus structuré, c'est régi par des textes, un règlement d'ordre intérieur qui doivent régir son fonctionnement et qui doit aussi voir si les textes qui régissent le club sont conformes avec la loi. Et ça, c'est au niveau du club. Il précise que dans chaque province du pays, il doit y avoir une association sportive provinciale composée au moins de 3 clubs. De même, pour au niveau d'une association sportive qui, en référence à la loi, si vous citez, dans chaque province, il doit y avoir une association sportive provinciale, pas 2, et par, il doit y avoir une et une seule fédération par discipline. Donc, dans chaque association, il faut un minimum de 3 clubs. Et là aussi, club avec statut et règlement d'intérieur, chaque association provinciale avec statut et règlement d'intérieur, une fédération nationale avec statut et règlement d'intérieur. Donc il faut un minimum de 3 clubs pour former une association. Il faut un minimum de 3 associations pour former ce qu'on appelle une fédération nationale. Ce directeur des sports au sein du ministère ayant le sport dans ses attributions fait savoir que le rôle des fédérations sportives est de promouvoir le sport à travers tout le pays. Les fédérations sportives ont un rôle de promouvoir la discipline à travers tout le pays. Le ministère, à lui, ne peut pas être présent dans toutes les provinces, dans toutes les communes, dans toutes les collines du pays, mais via les associations provinciales qui sont membres de la Fédération nationale, eux, ils organisent à leur niveau des championnats locaux qui transmettent les rapports au niveau fédéral. La Fédération, cette dernière, qui est notre interlocuteur direct, car ayant le pouvoir délégué du ministère, nous transmet le rapport qui clarifie comment s'est déroulé le championnat national dans la discipline concernée et ainsi qualifier l'équipe qui doit cette fois-ci représenter le pays. Dans la prochaine chronique sportive, Laurent Deimana expliquera les critères exigés pour agréer une fédération sportive. Merci à Marie-Claire Kadzeneza. En actualité nationale, je vous le disais en titre, certains commerçants du marché de Kanyosha, nouvellement réhabilités, disent n'avoir pas voulu rester dans ce marché suite au manque criant de place pour ceux qui étalent par terre les marchandises constituées de denrées alimentaires. Ils expliquent qu'ils ont préféré retourner au marché de Gissio parce qu'ils y trouvent beaucoup de clients. Ils demandent d'être facilités en leur trouvant de place pour qu'ils puissent continuer leurs activités commerciales. Gadi Minani, représentant des commerçants au marché de Kanyosha, rejette cette idée et leur demande coûte que coûte de regagner le marché Kanyosha. Les détails avec Jean-Marie Mayonga. Ces commerçants qui n'ont pas voulu rester dans ce marché réhabilité de Kanyosha sont en grande partie composés des femmes qui vendent les tomates, les oignons et autres denrées alimentaires par terre. Ils disent qu'ils n'ont pas de place pour bien exercer leur commerce et dans ce marché, ils ne trouvent pas assez de clients. D'autres parmi ces commerçants affirment qu'à l'intérieur du marché réhabilité, tous n'ont pas eu de place et d'autres disent qu'ils n'ont pas de moyens financiers pour payer les frais exigés à chaque commerçant ayant un stand au sein de son marché. Les commerçants qui ont opté à rester dans ce marché réhabilité de Kanyosha, ils précisent qu'ils n'ont pas voulu quitter le lieu pour faire écouler leurs produits et ils demandent à d'autres commerçants qui ont regagné le marché de Gissio de regagner le marché réhabilité afin qu'ils travaillent ensemble avec les autres. Les commerçants qui se sont déplacés vers le marché de Gissio, de leur côté, ils affirment qu'ils n'ont pas assez de moyens et trouvent que là, au marché de Gissio, ils y trouvent beaucoup de clients. Gadi Minani, représentant des commerçants au sein du marché réhabilité de Kanyosha, de son côté, il explique que les arguments avancés par ces commerçants ne sont pas fondés et plutôt, il leur demande de regagner ce marché pour bien travailler. Le marché de Kanyosha réhabilité a commencé en date du 5 mars 2021. Merci à Jean-Marie Mayonga. Parlons santé à présent. Le 14 juin de chaque année, le monde célèbre la journée du donneur de sang. Le thème retenu pour cette année est « Donnez votre sang pour faire battre le cœur du monde ». En Afrique, 7 millions de patients ont besoin de ce produit d'importance vitale. Chaque année, selon un communiqué de l'Organisation mondiale de la santé Région Afrique, je suis au studio avec ma consoeur Mary Kanyang et me donne les détails. Oui, Evariste, selon un communiqué de l'Organisation mondiale de la santé OMS Bureau Afrique, selon ce communiqué, eh bien, dans le cadre de la riposte à la COVID-19, selon ce communiqué, 10 pays africains mènent actuellement des études sur l'utilisation de la thérapie à base de plasma sérique pour le traitement de la maladie. L'Éthiopie, la Guinée et Maurice ont par exemple collecté des échantillons du plasma de convalescents pour des traitements à titre compassionnel et des essais contrôlés sont en cours en Afrique du Sud et en Ouganda. Selon toujours ce communiqué, au cours de l'année écoulée, les stocks de sang ont diminué dans la région africaine dans un contexte où les restrictions à la liberté de circulation couplées à la crainte de l'infection ont empêché les donneurs de sang d'avoir accès au site de transfusion sanguine et le taux des dons de sang médian a chuté de 17% et la fréquence des collectes de sang a diminué de 25%. Selon toujours ce communiqué de l'OMS Bureau Afrique, ce bureau encourage les jeunes à être plus nombreux à donner de leur sang pour sauver des vies et à inciter leurs pères et leurs familles à faire de même. Évariste, vous venez de le dire, le thème de l'année, c'est donner du sang et sauver le monde. Selon toujours ce communiqué, l'OMS Bureau Afrique exhorte les gouvernements en collaboration avec les associations de donneurs de sang et les organisations non gouvernementales à mettre en place les systèmes et les infrastructures nécessaires pour accroître la collecte de sang auprès des donneurs volontaires. J'en reviens au thème de l'année. Le thème retenu pour cette année, c'est « Donner votre sang pour faire battre le cœur du monde ». Vous l'aviez également dit, 7 millions de patients ont besoin de ce produit d'importance vitale chaque année en Afrique. Merci Mireille. La rédaction pense que le Burundi, le monde entier, vient d'entendre cet appel. À la source, reportage. Les rapatriés de la colline Neburara, zone Gattare de la commune Boussoni, nous sommes dans la province de Kirundo, saluent la cohabitation pacifique avec leurs concitoyens restés sur la colline. Cependant, certains d'entre eux déplorent l'usage de leur maison en cuisine et étable durant leur exil. L'administrateur de la commune Boussoni, Dismas Nsavzimana, dit tenir des séances de sensibilisation entre rapatriés et résidents pour promouvoir la bonne cohabitation. Jean Dodu, Irakoze s'est rendu sur les lieux, son reportage. Ce sont certains rapatriés de la colline Burara en provenance du camp de Mahama au Rwanda où ils étaient réfugiés depuis 2015. Tous témoignent de la bonne cohabitation entre eux et ceux qui sont restés sur la colline, même si certains d'entre eux déplorent le fait qu'il existe des résidents ayant utilisé leur maison comme cuisine ou étable durant leur exil. Cette bonne cohabitation est également témoignée par les habitants restés sur la colline qui disent partager de la bière avec eux mais ne veulent pas s'exprimer sur la question des résidents ayant endommagé le maison de ces rapatriés en y élevant du bétail ou en y cuisinant de la nourriture. L'administrateur de la commune Boussoni, Dismas Savimana, dit tenir des séances de sensibilisation à la bonne cohabitation entre ces rapatriés et populations restées sur la colline. La cohabitation est bonne. Nous tenons sans cesse des séances de sensibilisation chaque fois qu'il y a un « ça ne va pas ». On sensibilise les rapatriés et les résidents. Celui qui n'a pas pu s'exiler maintenant s'est exilé un jour. Nous sommes conscients des difficultés liées à cette situation. J'interpelle les résidents à bien accueillir les rapatriés et ces derniers à se sentir mieux chez leurs collègues. Nous appelons ceux qui restent à l'extérieur de regagner leur bercail. Environ 50 ménages composés de plus de 300 personnes ont déjà regagné leur colline Burara, site Busarasi, comme l'indique le chef du dit site. Merci à Jean Dodieu Irakoze. C'est sur ce reportage à la source que nous bouclons ce journal. Mais à cela qui vient de nous capter en cours de route, voici le rappel de l'essentiel de l'actualité. Désormais, la quarantaine pour les personnes en provenance de l'étranger est supprimée depuis ce lundi, annonce du Comité national de riposte contre la COVID-19. La cohabitation est au bon fixe entre les rapatriés et les résidents de la colline Neburara de la zone Negatare en commune Boussoni de la province de Kirundo. Mais tout n'est pas rose. L'administrateur de Boussoni dit tenir des séances de sensibilisation pour promouvoir la bonne cohabitation. Et la chronique sportive de ce lundi nous a parlé de comment une fédération sportive prend naissance. Merci d'avoir suivi cette édition. Merci à François Kimana pour sa parfaite collaboration technique à la présentation. Vous étiez avec Evariste Nzikobanyanga. Un bon après-midi à toutes et à tous.